La Bible David Martin 1855. Le livre de Daniel le prophète. Daniel chapitre 1. La troisième année de Jéhoiakim, roi de Juda, Nebuchadnetsar, roi de Babylone, vint contre Jérusalem, et l'assiégea. Et le Seigneur livra en sa main Jéhoiakim, roi de Juda, et une partie des vaisseaux de la maison de Dieu, lesquels Nebuchadnetsar fit emporter au pays de Sinar, en la maison de son Dieu, et il mit ses vaisseaux en la trésorerie de son Dieu. Et le roi d'Aspenaz, capitaine de ses eunuques, qui l'amena d'entre les enfants d'Israël, et de la race royale et des principaux seigneurs. Quelques jeunes enfants en qui il n'y eut aucun défaut, beaux de visage, instruits en toute sagesse, connaissant les sciences, qui eussent beaucoup d'intelligence, et en qui il y eut de la force, pour se tenir au palais du roi, et qu'on leur enseigna les lettres et la langue des Chaldéens. Et le roi leur assigna pour provision, chaque jour, une portion de la viande royale, et du vin dont ils buvaient, afin qu'on les nourrit ainsi 3 ans, et qu'ensuite quelques-uns d'entre eux servissent en la présence du roi. Entre ceux-là il y eut, des enfants de Juda, Daniel, Ananja, Misaël et Azarja. Mais le capitaine des eunuques leur mit d'autres noms, car il donna à Daniel le nom de Beltesatsar, à Ananja, celui de Sadrach, à Misaël, celui de Mésac, et à Azarja, celui d'Abednego. Or Daniel se proposa dans son cœur, de ne se point souiller par la portion de la viande du roi, ni par le vin dont le roi buvait, c'est pourquoi il supplia le chef des eunuques, afin qu'il ne l'engageât point à se souiller. Et Dieu fit que le chef des eunuques, eut de la bonté pour Daniel, et qu'il eut pitié de lui. Toutefois le capitaine des eunuques dit à Daniel, « Je crains le roi, mon maître, qui a ordonné votre manger et votre boire. Pourquoi verrait-il vos visages plus défaits, que ceux des autres jeunes enfants, vos semblables, et rendriez-vous ma tête coupable envers le roi ?» Mais Daniel dit à Meltsar, qui avait été ordonné par le capitaine des eunuques sur Daniel, Ananja, Misaël, et Azarja, « Éprouve, je te prie, tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger, et de l'eau à boire. Et après cela regarde nos visages, et les visages des jeunes enfants, qui mangent la portion de la viande royale, puis tu feras à tes serviteurs selon ce que tu auras vu. » Et il leur accorda cela, et les éprouva pendant 10 jours. Mais au bout des 10 jours leurs visages parurent en meilleur état, et ils avaient plus d'embonpoint, que tous les jeunes enfants qui mangeaient la portion de la viande royale. Ainsi Meltsar prenait la portion de leur viande, et le vin qu'ils devaient boire, et leur donnait des légumes. Et Dieu donna à ces 4 jeunes enfants de la science et de l'intelligence dans toutes les lettres, et de la sagesse, et Daniel s'entendait en toute vision, et dans les songes. Et au bout des jours que le roi avait dit qu'on les amena, le capitaine des eunuques les amena devant Nebuchadnetsar. Et le roi s'entretint avec eux, mais entre eux tout il ne s'en trouva point de tel que Daniel, Ananja, Misaël, et Azarja, et ils se tinrent en la présence du roi. Et dans toute question savante, et qui demandait de la pénétration, sur quoi le roi les interrogeait, il trouva 10 fois plus de science en eux que dans tous les magiciens et les astrologues qui étaient en tout son royaume. Et Daniel y fut jusqu'à la première année du roi Cyrus.